ma vida Guantanamera, Guantanamera, ma vida Guantanamera. C'était un homme en déroute, c'était un frère sans doute. Il n'avait ni lien ni place, et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il me parlait de sa ville. Guantanamera, ma ville Guantanamera, Guantanamera, ma ville Guantanamera. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, ma vida Guantanamera, Guantanamera, ma vida Guantanamera. Il me reste toute la terre, mais je n'en demandais pas autant. Quand j'ai passé la frontière, il n'y avait plus rien devant. J'allais d'escale en escale, loin de ma terre natale. Guantanamera, ma ville Guantanamera, Guantanamera, ma ville Guantanamera. Guantanamera, ma ville Guantanamera.